me suis pointé, l'ambiance était si noire, j'ai failli m'en aller, les disques étaient de car, mais je suis quand même resté. J'ai posé mon blouson, je me suis baigné, les mecs étaient marrons et les filles glacées. Alors je me suis mis au milieu, j'ai pris mon air sérieux, ouais. Quand soudain je leur dis oui, je suis un bye bye boogie boy, bye boogie de ma. Je suis un bye bye boogie boy, bye boogie de ma. Je suis un bye bye boogie boy. Boogie tonight. Ils m'ont bien regardé, croyant que j'étais sous. La musique a stoppé, le silence était dur. Alors j'ai pris ma vieille guitare, me suis mis à chanter, ouais. C'est quelques mots parfaits, oui. Je suis un bye bye boogie boy, bye bye boogie tonight. Je suis un bye bye boogie boy, bye bye boogie tonight. Je suis un bye bye boogie boy, bye bye boogie tonight. Bye bye boogie boy, bye bye boogie tonight. Bye bye boogie boy, bye bye boogie tonight. Something.